Pourquoi les fleuves et les mers peuvent-ils être les rois de toutes les eaux? Parce qu'ils savent se tenir au-dessous d'elles. C'est pour cela qu'ils peuvent être les rois de toutes les eaux. Aussi, lorsque le Saint désire d'être au-dessus du peuple, il faut que par ses paroles, il se mette au-dessous de lui. Lorsqu'il désire d'être placé en avant du peuple, il faut que de sa personne, il se mette après lui. De là vient que le Saint est placé au-dessus de tous et il n'est point à charge au peuple. Il est placé en avant de tous et le peuple n'en souffre pas. Aussi tout l'Empire aime à le servir et ne s'en lasse point. Comme il ne dispute pas le premier rang, il n'y a personne dans l'Empire qui puisse le lui disputer.